الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هذا الدرس الجديد على هذا البرنامج الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه لنا ولكم الخير والبركة Dans ce nouveau cours, sur ce nouveau logiciel auquel on demande à Allah Azzawajal qu'il mette un bien et une baraka nous permettant d'être assidus dans notre da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala, chose à laquelle nous recherchons qu'une chose en échange de cela, car il y a un grand mérite dans le fait d'appeler vers Allah Azzawajal, comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin, et qui préfère de paroles meilleures que celui qui appelle à la vers Allah subhanahu wa ta'ala et œuvre en conséquence et dit je fais partie du nombre des musulmans. Que nous Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum tawfiq wa an la yushghilana yani bi shaghilin 'an al-'ilm. Comme on demande à Allah azza wa jalla qu'il nous donne à nous ainsi qu'à vous la réussite et qu'il ne nous préoccupe pas par une autre chose que la science. Donc avant d'entamer le cours yani d'aujourd'hui ou de ce soir, on va procéder inchallah yani un bref yani récapitulatif, une brève révision de la biographie de l'imam Muhammad Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, il y a parmi les choses qui ont été évoquées dans sa biographie, ce sont les accusations, les paroles démesurées qui ont été injustement attribuées à cet imam, rahimahullah ta'ala. Il a été dit à son sujet que c'est un murji, qu'il a du laxisme dans ses jugements, dans les jugements du hadith, qu'il n'a pas de compréhension, qu'il n'a pas de savant. Kazalika, ça a été dit, yani, qu'il est individualiste, yani, dans ses positions, ses avis. Yani, bil arabiya, shadhun mutafarridun mukhalifun lima alayhi an-nas. Wa hadha kadhibun, waftira ala hadha al-imam al-jalil, rahimahullah ta'ala. Car celui qui est dit, yani, de shadh, individualiste, dans la religion, yani, dans ses choix et ses positions, yani, soit ça s'applique aux personnes qui s'isolent par des avis contredisant la vérité. Celui qui contredit la vérité avec des positions dans lesquelles il est seul, ça, dans le deal, on appelle une personne qui est chad. Comme dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, fi l'ihkam. Amma celui qui s'isole par des avis, des positions autres que celles des savants, dans les sujets où la divergence est possible, où les textes sont d'interprétations diverses, il ne revient pas de juger de cette personne et de dire qu'elle est chad, individualiste, dans ses positions. Car chacun des ulama, dans ces sujets-là, même les sujets qui sont d'interprétations diverses, ils sont libres de pencher vers l'avri, qu'ils voient qu'il est le plus juste. Et même si cela aboutit à ce qu'il soit seul dans cette position-là. Et de plus, où sont ces personnes-là qui prétendent de tels propos sur l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, face à la documentation, des livres tels que Raf al-Malam, an Aïmat al-A'lam, le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans lequel il a évoqué plus d'une dizaine d'arguments excusant de pouvoir blâmer les imams de ce din. Et parmi les causes qu'il a évoquées, al-ijtihad, c'est-à-dire faire un effort d'interprétation dans les sujets à interprétations diverses. Ça, c'est une cause qui empêche de pouvoir juger ou bien de blâmer une personne. Lorsqu'une personne fait un ijtihad dans des masaïl ou dans des sujets à interprétations diverses, il n'est pas possible, il n'est pas permis de juger cette personne et de dire qu'il est shad, mutafarrid, wa yukhalif, ma alayhi nas. Ala kulli hal, et la conduite que ces gens observaient avec cet imam, l'imam al-Albani, n'a rien d'étonnant, car tel est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les personnes qui suivent les messagers, et plus particulièrement les ulama, qui sont les héritiers des messagers, comme l'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas été insulté de posséder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas été insulté de menteur, de sorcier, de poète, de fou, etc.? Et pourtant, c'est qui? C'est le messager d'Allah azawajal. L'homme qui ne prononce pas une sous l'effet de la passion. Mais malgré ça, il a été insulté. Alors que dire des personnes qui suivront le chemin des messagers. Et surtout, les héritiers des messagers qui sont les ulama. Nul doute que ces personnes-là ils vont connaître ce qu'ont connu leur exemple. Les hommes les plus éprouvés sont les prophètes, puis leurs semblables, puis leurs semblables. À la kulli hal, on doit tirer comme le sang à travers la biographie de l'imam al-Albani rahimahou ta'ala, qu'on se doit de respecter, d'honorer, d'avoir une conduite juste et loyale avec ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a élevé en degré, les ulama. Celui qui parmi les ulama de la sunna, qui a été connu pour défendre la sunna, tamam, pour avoir combattu la bid'a, à qui il a été remarqué une erreur durant son vécu, il doit être conseillé. Jusqu'à ce qu'on ait la conviction qu'il suit ses passions. Après cela, on jugera de lui par rapport à l'erreur qu'il a faite. Quant aux ulama de la sunna, tamam, ceux qui ont été connus pour défendre la sunna et combattre la bid'a, comme c'est le cas de l'imam al-Albani, comme c'est le cas de l'imam al-Nawawi, comme c'est le cas de l'imam al-Hafidh ibn Hajar, rahimahumullahu majma'in, à qui il a été remarqué des erreurs après leur mort, notre conduite avec ces personnes-là, avec ces ulama-là, c'est de les respecter et de s'écarter de leur erreur. On expose la vérité aux gens, on met en garde contre leur dérapement, mais en aucun cas, on ne peut prendre cette erreur-là pour les dénigrer ou encore moins pour les faire sortir de la sunna ou de l'islam, comme ça a été le cas. Comme ça a été dit sur Cheikh Al-Albani, Murji, c'est quelqu'un qui est sorti de l'islam, qui est sorti de la sunna. Donc, Inch'Allah, هذا هو يعني الذي نستفيد منه في اسم ترجمة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى qu'on se doit d'être doux avec les savants qui ont été connus pour défendre la sunna, tamam. On garde leur statut comme il est et les erreurs qu'ils ont fait, on met en garde contre eux et on se tient à l'écart de leurs erreurs. Donc, quant à l'ouvrage, donc, nous sommes sur le point de débuter. Il traite la description du pilier le plus important dans l'islam après shahadatayn, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Le prophète sallam dit dans un hadith authentique: ra'sul amr al-islam wa 'umuduhu as-salah wa dharwatu thanamihi al-jihad fi sabilillah. Le prophète sallam nous informe que la base du dîn repose sur la prière. Ceci nous prouve l'importance de l'apprentissage de la description de la prière, car elle est la clé de la base de la religion, le biais par lequel s'enracine la base de notre religion, qui n'est autre que As-Salah. Donc la description de la prière est la première chose à laquelle le musulman doit focaliser ses efforts après avoir, comment ça s'appelle correctement, embrassé l'islam. Dit fi sunna que la première des choses à laquelle le prophète sallam s'évertue et a enseigné après shahadatayn, c'est la description de la prière. Comme dit dhalika عند الإمام مسلم عن تارق بن عيشم رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. تارق بن عيشم نعم nous dit la première des choses que le prophète sallam enseignait à la personne ayant embrassé l'islam, c'est la description de la salah. تمام la description de la salah. وعلم وفقني الله وإياكم. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à vous ainsi qu'à nous la réussite. Que la première des choses à laquelle on devra rendre compte Yawm al-Qiyamah, c'est la prière. Si on se décharge de son acquittement, en ayant prié convenablement dans les horaires de prière, c'est le bonheur et la félicité, et au cas contraire, c'est l'échec et la déception. Comme a dit le Nabi sallam, inna awwala ma yuhasab bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Rawahu Tirmidhi. Le prophète sallam nous dit dans ce hadith authentique rapporté par Abu Hurayra ou par Tirmidhi sur Abu Hurayra que la première chose auquel le serviteur devra rendre compte Yawm al-Qiyamah, c'est la prière. S'il l'accomplit comme il se doit, et son accomplissement ça passe par l'étude de la description de la prière. S'il l'accomplit comme il se doit, tamam, il sera parmi les gagnants. Et dans le cas contraire, il sera déçu et perdant. Donc cela nous exhorte à ne pas négliger la description de la prière, car elle peut être une cause menant à l'échec, à la déception, qui est marquée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez, waffaqani Allah wa iyyakum, que tous les mérites qui sont évoqués sur la prière ne peuvent être profitables à ceux qui auront négligé la description de la prière. Tous les mérites qui ont été évoqués sur la prière, ils ne seront profitables aux personnes qui négligent la description de la prière. Le Nabi sallam yaqul as-salatu nur wa yaqul arihna biha ya Bilal. Le prophète sallam nous dit la salat est une lumière et la sarta ya Bilal, apaise-nous par la prière. Donc la prière ne pourra être une lumière et ni un apaisement pour celui qui aura négligé la description de la prière. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wasta'inu bis-sabr wa salah. ويقول كذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Prenez aide à travers la patience et la salah. Et il nous dit dans un verset, la prière préserve la turpitude et du blâme. Ni la prière ne sera préserver la personne de la turpitude et du blâmable, et ni elle sera une aide pour celui qui aura négligé la description de la prière. Ça nous montre et en est l'importance de connaître la description de la prière. Wahan Rubada ibn Samit رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله سبحانه وتعالى على العباد فمن لم يضيع شيئا منها كان له على الله سبحانه وتعالى عهد أن يدخله الجنة وإن ضيعها فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. Donc ce hadith authentifié par Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى, le prophète صلى الله عليه وسلم dit 5 prières prescrites sur le serviteur. S'il ne les néglige pas, il aura une garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'entrer au paradis. Mais s'il les néglige, c'est-à-dire qu'il fait sortir la prière de ses horaires, ou alors qu'il ne prie pas convenablement, il ne se préoccupe pas d'étudier la description de la prière, il n'aura aucune garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il souhaite, il le châtiera, ou s'il souhaite, il le fera miséricorde. Donc voilà, Inch'Allah, pour nous, une garantie qui se présente à nous dans la documentation de la description de la prière du Prophète, afin de ne pas négliger son acquittement. Car négliger son accomplissement, c'est s'exposer au malheur, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur aux musallin, ceux qui prient, ceux qui négligent la prière. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahou ta'ala, dit, négliger la salat comprend le fait de faire sortir les salats de leur temps. Ou bien, de ne pas accomplir la salat à leurs heures et d'une manière qui est inconvenable. Donc, les versets à ce sujet, sur l'importance de la description de la prière, sont très nombreux. Mais pour plus de détails, ceux qui veulent plus s'élargir par rapport à cela, qu'ils reviennent au kitab Ta'zim al-Salah, l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des salafs. Quant à l'appellation de la Risala en question, elle s'appelle Talkhis Sifatil Sainte Nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-Takbir ila al-Taslim ka annaka taraha. Le résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Takbir au Taslim, comme si tu pouvais en témoigner. Cette Risala, ce petit compte-rendu, est un résumé du résumé de l'ouvrage de l'imam Al-Bani qui est nommé Sifatil Sainte Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que l'imam Al-Albani, il a rédigé 3 ouvrages dans le thème de la description de la prière. Le premier ouvrage de 3 volumes, qui est la base de tous ces ouvrages, dans le thème de la description de la prière. Cheikh Al-Albani, dans ces 3 ouvrages, il s'est allé de manière où il a mentionné de nombreuses versions, de nombreux turuq, les hadiths et les jugements de chaînes de transmission, que ce soit sur le rapporteur, que ce soit sur la hilal, même les défauts qu'il y a, soit dans les chaînes de transmission, ou soit dans les textes, il s'est détaillé d'une manière qu'il en est arrivé à sortir 3 mujallad, 3 ouvrages. Le second ouvrage qu'il a fait, il s'est contenté de mentionner juste les textes relatifs au hadith, sans mentionner les chaînes de hadith et les jugements si rapportants. Et le troisième ouvrage qu'il a fait, qui est le livre Inch'Allah qu'on va étudier, Talkhis Sifatil Sainte Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce troisième ouvrage, il s'est vraiment contenté de mentionner que les messaïls de la description de la prière avec les jugements qui s'y rapportent à chaque messaïl. Quant à la raison qui a poussé à rédiger Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ses ouvrages dans ce thème qui est la description de la prière, c'est qu'à l'époque Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il n'a pas trouvé un livre réunissant les sujets se rapportant à la description de la prière en renfermant en intégralité tous les sujets de la prière. Donc il a pris l'initiative de réunir ces messaïls. Et fi'lan, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à Tawfiq la réussite dans son entreprise, car il n'y a deux personnes après la sortie de ses ouvrages, après la venue de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui a rédigé un livre sur la description de la prière, sans qu'il n'épuisait dans ses ouvrages. L'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous fait part dans la préface de son deuxième ouvrage, Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min al-takbir ila al-taslim ki annaka taraha, al-kitab al-mutawassit, qu'il a emprunté dans la méthodologie de ses ouvrages la voix des gens du hadith, c'est-à-dire évoquer les textes coraniques et prophétiques sans se conformer aux idéologies d'une des quatre écoles de jurisprudence, Al-Madhahib al-Arba'a. Tamam. Il a rédigé son livre à la lumière du kitab et de la sunnah, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le recommande de faire. قال جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. Et suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur et ne suivez aucun autre allié en dehors de lui. Quant au fait de s'affiler à une de ces quatre écoles ou autre que le kitab et la sunna, sachez que cela fait partie des bid'a fi din. Yani, c'est une innovation qui n'a pas lieu d'être. Comme l'a évoqué l'imam Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, il a évoqué que le fait de s'affilier à une de ces quatre écoles ou à autre chose que le kitab et la sunna, ça fait partie des bid'a fi din. Des bid'a fi din. Yani, il a évoqué ça dans son kitab, ismuhu al-Hisam al-Hisam al-Mariq. Al-Hisam al-Mariq. Car cela n'a pas été connu dans l'ère. Cela n'a pas été connu dans l'ère du professeur Salam, ni dans celle des compagnons, et ni dans celle de ceux qui les ont suivis. Cette bid'a, comme l'a évoqué l'imam Shoukani, elle a fait apparition après la venue des quatre imams des écoles de jurisprudence, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed. Cette bid'a est venue après l'apparition de ces quatre imams. Et en aucun cas, ces imams-là n'ont incité à suivre les personnes qui s'affilient à leur madhhab. En aucun cas, ces imams-là, ni Shafi'i, ni l'imam Malik, ni l'imam Abu Hanifa, ils ont incité leurs adeptes à les suivre aveuglément. Mais au contraire, ils furent tous unanimes qu'ils revenaient à celui à qui la vérité lui a été exposée, tamam, de délaisser l'avis de cet imam pour prendre celui de la vérité. Ces imams-là furent tous unanimes pour dire que ne me suivez pas aveuglément. Ils disaient, ne me suivez pas aveuglément, ni moi, ni Shafi'i, ni Imam Malik, prenez la science comme nous l'avons pris, c'est-à-dire, bil-ijtihad, tata'allam wa tajtahid, et non pas par le suivi aveugle. S'affilier à ces écoles, c'est s'affilier à l'erreur, car aucune de ces écoles n'est infaillible. Il y a des choses dans ces écoles qui ont été évoquées qui sont haq, et des choses qui ont été évoquées qui sont batil. Donc le fait de s'affilier à ces écoles, c'est s'affilier à l'erreur, et ça, ça n'a pas lieu d'être. Le musulman doit s'affilier à la vérité. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraqu » Et comprenez-vous, « au hab d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le kitab et la sunnah, et ne vous divisez pas, et ne vous divisez pas. » Amma l'affiliation à ces écoles, c'est tout à fait l'inverse de ce que recommande ce verset. Car ces écoles, comme on a dit, elles ne sont pas infaillibles. Tamam, aux différents du kitab et de la sunna. Kitab et de la sunna, c'est l'isma. La personne qui s'affile au kitab et de la sunna, il se sert à affiler à la vérité. Amma, la personne qui s'affile à ces écoles-là, il s'affile qu'à des choses qui peuvent être des erreurs. Tamam. Et de plus, ces écoles-là, elles divisent. Cheikh Ibn Baz, dans une de ses fatwas, nous dit, les ennemis de l'islam ont trouvé le moyen pour diviser cette communauté par le biais des affiliations qui sont présentes dans nos communautés. Ils ont provoqué par ce biais une grande fitna au sein de cette communauté. Et ils l'ont divisée. Ils ont profité de cette affiliation-là que les gens avaient à autre que le kitab, pour venir diviser ad-din wa fi'lan. Ces affiliations à ces écoles ou autres ont divisé la communauté. Ont provoqué une fitna au sein de cette communauté, au point même où il est arrivé dans le haram al-Makki que chacun qui avait une école, il avait un minbar, et chacun, celui qui est Hanafi, il prie derrière le Hanafi. Le Hanafi, il ne voyait pas qu'il prie derrière le Shafi'i. Ou le Shafi'i, kadalika, vice-versa. Ou le Hanbali, kadalika. Ta'assub shadid. Un fanatisme qui les poussait au point où de délaisser la salat, jamais l'imam ne faisait pas partie de leur école. Et ça nous montre le méfait de s'affiler à ces choses-là. Ça a poussé les gens à avoir un chauvisme, un fanatisme vraiment très grand. Hatta même au point où certains Hanafis, ils ne voyaient pas qu'il était possible de marier leur fille à un Shafi'i. Ils avaient un ta'assub shadid. Wa kadhalika, certains, ils sont partis beaucoup plus loin, jusqu'à même forger des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de dénigrer l'école qui est autre que la leur. Certains Hanafis ont dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع حديث لا يجدد فاطمه تمام c'est du mensonge sur le prophète sallam. Ça c'est pour nous montrer que ces appellations là au mazahib, ça fait un gros mal à l'islam. Certains des Hanafis, ils ont menti sur le prophète sallam jusqu'au point de dire سيأتي رجل من أمتي اسمه محمد بن إدريس هو أدر على أمتي من إبليس. Viendra dans ma communauté une personne s'appelant Mohamed ibn Idris. C'est qui Mohamed ibn Idris? C'est l'imam Shafi'i. Il sera plus nuisible à ma communauté que l'Iblis. Allez, regardez jusqu'à où il y en a poussé. Le sectarisme, le chauvisme, le fanatisme, les gens qui se sont affilés à autre que le Kitab la Sunna, ils sont arrivés jusqu'à mentir sur le Prophète sallam pour défendre leur école ou bien pour dénigrer l'école qui est autre que la leur. Quant au fait qui est beaucoup plus grave encore, qui concerne le fait de délaisser la parole du Prophète sallam pour celle d'un de ses imams ou bien un autre, le jugement de ces personnes, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, c'est que ce sont des injustes et des ignorants. Car la plupart de ces personnes-là ne délaissent pas la parole du Prophète sallam par conviction que la voie, les idéologies de leur imam, elle est meilleure que celle du Prophète sallam. Non. Mais par conviction que les idéologies ou bien les avis ou les positions de son imam correspondent à la guidée du prophète sallam. Ces personnes-là, on ne peut pas juger d'eux, qui sont sortis de l'islam ou sortis de la voie de la prophétie. Parce qu'ils pensent que l'idéologie des imams sur laquelle eux ils sont ou laquelle eux ils suivent, c'est la voie du prophète sallam. En gros, ils pensent qu'ils sont sur la voie du prophète sallam avec la lumière de leur imam. Amma, ceux qui pensent que la voie de son imam, ce soit Shafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, elle est meilleure que celle du Prophète sallam ou qui il lui est permis de sortir de la voie du Prophète sallam pour suivre celle de son imam, ça c'est aucun doute qu'il y ait que ces personnes-là à l'apostasie. Comme l'a évoqué Cheikh l'Islam et Taïmata Rahimallah Ta'ala, et Kazalika, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, finalement, qu'est l'islam. Ça fait partie des choses qui annulent l'islam. Le fait de croire que tu as la possibilité de suivre une autre personne que le Prophète sallam, tamam, ou que la voix de ton imam ou de la personne que tu suis, elle est meilleure que celle du Prophète sallam, ça, aucun doute dessus, il n'y a pas unanimité des savants, que le fait de faire ça, ou le fait d'avoir des convictions telles, ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. La filiation à laquelle il convient de s'affiler, c'est la salafia. Pourquoi? Parce que la salafia, c'est l'intima et l'al-haq. C'est le fait de s'affilier au haq. Le fait que tu t'affiles au haq, ça, c'est jaïz. Comme on dit dans le Coran, « Wa'atassimu bihabalillah jami'a »« Wa habdullah al-Qur'an al-kitab wa sunnah »« Wa lijma'a sahaba » Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le livre, incha'Allah, je souhaitais qu'on traite l'année avant ça un sujet qui est d'une grande importance et qui est relatif, incha'Allah, à la description de la prière. Le sujet n'est autre que quel est le jugement de celui qui délaisse la prière. Ce sujet-là est d'une grande importance, car les savants ont divergé, et d'une divergence qui aboutit à beaucoup de choses. Ils ont divergé entre la mécréance de celui qui la délaisse et la non-mécréance. Celui qui pense de la mécréance de celui qui délaisse la salat, ça veut dire qu'il ne prie pas sur lui. Si il y a une janaza d'une personne, tel que quelqu'un t'a délaissé la salat, il ne va pas prier dessus. Et ni yatarham alayhi. S'il meurt, il ne fait pas de dua pour lui. On n'hérite pas cette personne-là, et lui non plus, il n'hérite pas. On ne doit pas l'enterrer dans les cimetières des musulmans. Et beaucoup d'ahkams qui sont relatifs à ça. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu, Inch'Allah, qu'on traite ce sujet-là qui est d'une grande importance, afin de voir, Inch'Allah, quelle est la vérité à ce sujet-là. Awalan, il faut savoir que le jugement de celui qui délaisse la prière, il a plusieurs états. Le premier état, c'est celui qui délaisse la prière n'est pas renommé en bidjuhud, en disant ouvertement qu'il ne lui incombe pas de prier. Ça, c'est un kafir, il y a un ibilijmer. Même s'il est au fond de lui-même, il sait qu'elle est obligatoire, mais prenons cela, ça, c'est un ibilijmer, c'est un kafir. Il y en a même des hadashés un. كان من الجسمين دين معروفة يعني كفرة بإجماع المسلمين هذا معروف يعني اسم قاعدة كي معروف وبخدع علماء de même pour celui qui la délaisse par orgueil ou par impénience ou par dégoût pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ça c'est un kafir. كذلك celui qui la délaisse pour ces raisons là c'est un kafir. ولا خلاف بين العلماء تمام il n'y a pas de divergence à ce sujet là أما يعني l'état où الحالة c'est celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence, tout en ayant la conviction que la prière est une obligation qui doit se décharger. et qu'il sait que lorsqu'il délaisse la prière, il a commis un péché. Quel est le jugement de cette personne-là? Celui qui délaisse la prière, takasulan, comme a dit l'ulama, par paresse et négligence. Avant de rentrer dans ce khilaf-là, il faut savoir que les ulama, ils ont divergé par rapport à cette mas'ala. Et ça depuis al-Qurun al-Mufaddala, depuis l'époque des sept lumières. Donc il en va de soi, tamam, à toute personne qui rentre dans cette mas'ala-là, qu'il ait une bonne conduite. C'est-à-dire qu'il ne juge pas la personne qui a conviction que celui qui délaisse la prière par paresse et par négligence, que c'est un takfiri. Tu ne dis pas de lui, c'est un takfiri, et celui-là, il kaffar les personnes qui ne prient pas. Et le raks kadalika, celui qui voit que ces personnes-là qui délaissent la prière par négligence et par paresse, il voit maintenant que lui, ce n'est pas un kafir, tu ne dis pas de lui, c'est un mourji. Pourquoi? Parce que chacun, dans chacune de ces positions, les ulama parmi les salafs, ils ont eu un avis. Les ulama parmi les salafs, ils ont un avis. Donc ça, c'est une conduite qu'il faut qu'on respecte, nous, lorsqu'on rentre dans cette mas'ala-là. Il faut savoir que nous, on n'est pas, il n'est pas permis de juger d'aucun parti que c'est un takfiri ou bien que c'est un hesh mourji. On doit regarder le haq et on doit rester des frères, même si on diverge sur les sujets à interprétation diverse, comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Quant aux savants qui ont penché pour la vie, de la mécréance de celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence, quand même, ils ont pris comme argument le hadith de Jabir, qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. An-Nabi sallam yaqul fihi bayna ar-rajul wa bayna al-kufr tarku salah. Entre le serviteur et la mécréance, le délaissement de la prière. Wa kadhalika hadith Burayda alladhi rawahu al-imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. An-Nabi sallam qala fihi al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le ahd qui est entre nous et les mouchriks, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a certes mécru. وكذلك ايضا في كم اثار يعني الاثار عبد الله ابن شقيق دون كليدي لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير صلاه les compagnons du prophète ne voyaient pas une œuvre si la personne l'a délaissée qui aboutit au kufr tel que le délaissement de la prière. Voici les trois arguments les plus qawi, les compris les personnes qui voient que celui qui délaisse la prière par paresse et par négligence, c'est un kafir. Ces deux hadiths avec le athar, ce sont les preuves qu'ils ont prises et les preuves les plus qawi qui prouvent ou qui appuient leur position. Quant à ceux qui voient, et c'est l'avis de la plupart des jurisconsultes, même comme Cheikh Salim al-Hilal l'a dit, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils voient que celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence, c'est un acte, ce tac-là, il ne fait pas sortir de l'islam. Ils ont pris pour cela comme argument Hadith al-Shafa'a, le hadith de l'intercession, qui a été rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim, par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'anha. Le hadith, il est vraiment long. Inch'Allah, on va essayer de résumer le hadith. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fera intercéder en faveur des gens qui sont entrés en enfer parmi les musulmans pour en sortir, les intercédeurs diront, Ya Rabbana, akhrij min al-nar, yani man kana yusalli, wa man kana yahut, fait sortir de l'enfer. On veut intercéder pour les personnes qu'on a connues, qui étaient parmi les musallines, qui priaient, qui faisaient le hajj et qui faisaient kadhalika as-siyam. Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner la permission de faire sortir ces gens-là de l'enfer. Tamam. Lorsqu'ils les auront fait sortir, ils diront, Ya Rabbana, on a fait sortir de l'enfer ceux à qui tu nous as, comment ça s'appelle, donné la permission. Et il ne reste plus dans l'enfer les personnes à qui tu nous as donné la permission. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donnera une seconde intercession pour faire sortir de l'enfer ceux qui avaient dans leur cœur un poids d'atome de foi. Les ulama disent, regardez bien là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'autorisation aux intercédeurs de faire sortir les gens de l'enfer, qu'ils avaient un poids d'atome dans le cœur et qui ne faisaient pas partie des gens de la prière. Car les gens de la prière, ils ont été sortis. Il reste maintenant dans l'enfer que ceux qui avaient un poids d'atome dans le cœur. Il dit, cela nous montre que celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence, c'est pas un kafir. Cela nous montre que ces personnes-là, ils ne faisaient pas partie des gens de la salade et malgré cela, ils sont sortis de l'enfer. Donc si ces personnes-là, ils sont sortis de l'enfer, cela nous prouve qu'ils font partie des nombres de musulmans. Cela nous prouve qu'ils font partie des nombres de musulmans. Car l'unanimité des savants, les savants sont tous unanimes, que Al-Kafir, il ne peut pas sortir de l'enfer. Si jamais ces personnes-là qui avaient dans le cœur un atome de foi, ils auraient été des kuffars, et ils n'auront pas pu, comment ça s'appelle, sortir de l'enfer. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ. Ce jour-là, les mécréants ne sortiront jamais de l'enfer et ne seront jamais excusés. Tamam. وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Nul ne rentrera au paradis en dehors des musulmans. C'est les personnes qui sortent de l'enfer, qui n'ont qu'un poids d'atome dans le cœur, qui ne priaient pas. S'ils sortent dans l'enfer, c'est pour aller au Jannah. Et le Jannah, qui est marqué dans le Prophète صلى الله عليه وسلم, la illa nafs al-muslima. Donc cela nous prouve que ces personnes-là qui avaient délaissé la prière, qui avaient délaissé le hajj, qui avaient délaissé le siyam, et qui avaient dans le cœur un poids d'atome, font partie, sont des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de l'enfer pour aller où? Au Jannah. Wa nabi sallam qala, la yadkhulu al-jannah illa nafs al-muslima. Muttafaqan alayhi. Tamam. Et parmi les arguments aussi qu'ils ont pris pour dire que celui qui la délaisse par négligence et par paresse, ce n'est pas un kafir. Hadith Ubad ibn Samit, dans lequel Anabi Sassam yaqul, خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتها وأتم ركوعها وخشوعها كان له عهد على الله أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله سبحانه وتعالى عهد. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. Le hadith nous a dit 5 prières dont Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Celui qui les aura accomplies parfaitement et accompli les ablutions parfaitement aura prié ces prières dans leurs horaires en y accompli les piliers en se recueillant et de manière convenable, il aura une garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Quant à celui qui n'aura pas fait cela, c'est-à-dire qui n'aura pas accompli correctement les ablutions, ou qui aura fait sortir les salades de leurs heures, ou bien qui n'aura pas eu de khushu' et ni accompli convenablement les ruku', tamam, cette personne-là, elle n'a pas de garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. S'il veut, il le pardonne, ou s'il veut, il le châtie. Tamam. Donc ça nous prouve qu'adalika, que tarik as-salat et kasulam, c'est pas un kafir. Comment, si jamais c'est vraiment des kuffars, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être clément ou bien les châtier, incha'a 'adabahu wa incha'a ghafara lahu. Le kafir, Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfir lahu. Tamam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, fa al-yawma la yakhruju minha wa la yusta'tabun. À ce jour-là, ils ne sortiront pas de l'enfer et ne seront pas aussi excusés. Tamam. Donc, si vraiment ces personnes-là auraient été des kafirs, ceux qui sortent la prière de leurs heures, ils auraient été des kafirs, Allah subhanahu wa ta'ala, aslan, à la base, il ne leur a même pas pardonné. C'est directement l'enfer. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ. Donc, ces preuves et autres nous prouvent ou renforcent l'avis de la majorité des savants, des jurisconsultes, al-fuqaha, qui est que celui qui délaisse la prière par paresse, par négligence, avec conviction qu'il est obligé d'accomplir as-salat, ça c'est un acte qui ne fait pas sortir, c'est un acte de mécréance, tamam. Pouvoir aboutir à la mécréance, mais en aucun cas, c'est un acte qui annule l'islam par lui-même. Quant au hadith, بَيْنَ الرَّجُلْ وَكُفْرْ تَرْكَ الصَّلَةِ, ceci ne nous prouve rien que la mécréance qui est évoquée dans ce hadith-là, c'est une mécréance qui fait sortir de l'islam. Car dans l'islam, il est possible que le terme al-kufr, il peut être utilisé pour la mécréance mineure ou majeure. Donc nous, on leur dit, comment vous pouvez avoir la conviction que al-kufr, qui est mentionné dans ce hadith-là, c'est le kufr qui fait sortir de l'islam. Alors que certains hadiths, comme on va le voir, nous prouvent que c'est possible d'utiliser le terme du kufr pour la mécréance qui est mineure et la mécréance qui est majeure. Comme cela a été évoqué, dans le hadith, Ibn Mas'ud, وَقِتَالُهُ كُفْرٌ, le fait de tuer son frère, c'est un acte de mécréance. Est-ce que c'est un acte de mécréance qui fait sortir de l'islam? Non, cet acte-là ne fait pas sortir de l'islam. Donc cela nous prouve que le terme, la mécréance, al-kufr, peut être utilisé pour les choses qui font sortir de l'islam ou les choses qui ne font pas sortir de l'islam. وَكَذَلِكَ حَدِيث لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَارًا يَدْرِبُوا بَعْدُكُمْ رِقَبَ بَعْدٍ. Et ne revenez pas sur vos talons en devenant des mécréants, en frappant, en vous frappant mutuellement la nuque, en vous frappant mutuellement la nuque. Yani, tu es musulman, c'est ma'rouf, c'est un acte, yani, qui ne veut pas sortir de l'islam. Malgré cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tarji'u ba'di kuffar, ne revenez pas sur vos talons comme des mécréants. Ce terme-là nous prouve que, yani, on peut utiliser le mot ou le terme mécréance pour une chose, yani, qui ne veut pas sortir de l'islam. Wa kadhalika, hadith, yani, imra'atu thabit ibn Qais, lama qalat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, akrahu al-kufr fi l'islam. Je déteste, yani, la mécréance dans l'islam. Cette sahabiya dit, yani, je répugne la mécréance dans l'islam. Y a-t-il une mécréance dans l'islam? Non, une mécréance mineure. Amma la mécréance majeure, elle ne fait pas partie de l'islam. Elle ne fait pas partie de l'islam. Donc cela nous prouve que le kufr qui est voulu ici, c'est la mécréance mineure. Car la mécréance majeure, et celle qui fait sortir de l'islam, ça ne fait pas partir de l'islam. Wahiya qalat akara al-kufr l'islam. Et ça nous prouve que dans l'islam, il y a une mécréance. Mais c'est laquelle? C'est la mineure, c'est pas la majeure. Donc ceci nous prouve que leur dalil qu'ils ont pris, c'est pas une preuve en elle-même. Tamam? Bayna al-rajul wal-kufr tarka salah. Entre l'homme et la mécréance, il y en a le délaissement de la prière. Ça peut être une des, comment ça s'appelle, une mécréance qui est mineure. Surtout lorsque tu prends les autres textes qui montrent, comme on a vu, comme on a pu voir dans le hadith al-Shafa'a, qui nous montre que, il y a un yom al-qiyama, certains des pécheurs qui ne faisaient pas partie, il y en a des gens de la salah, sortiront de l'enfer pour aller au paradis. Sortiront de l'enfer pour aller au paradis alors qu'ils n'ont jamais fait la salah. Donc cela nous prouve que le hadith bayna al-rajul wal-kufr, il y a le kufr qui est voulu ici, c'est le kufr yani mineur et non majeur. Le kufr qui est mineur et non majeur. Quant au hadith yani al-ahd, là on prend les hadiths qu'ils ont pris le premier avis afin de montrer que leur position yani elle est un peu faible. Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah. Al-hadith yani buraydah. Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Kadhalika, le sens qui est voulu par la mécréance dans ce hadith, et comment on pourrait dire ça, la garantie qui est entre nous et les kuffars, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Le sens voulu par la mécréance ici, dans ce hadith, c'est la mécréance qui est mineure et non la majeure. Tamam? Car comme on a dit, le hadith al-Shafa'a et autres prouvent que le délaissement de la prière par paresse et négligence n'est pas un acte de mécréance. Un acte de mécréance est un acte majeur. Donc afin que les textes soient cohérents, yani, la mécréance qui est employée ici ne peut être que la mécréance qui est mineure, afin de faire cohérence avec les textes. Tamam? Puis, yani, laissons supposer que la mécréance employée ici dans le hadith, al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Tamam, la garantie qui est entre nous et eux, c'est la prière, celui qui la délaisse à certains mécru. Laissons à supposer que la mécréance employée ici, c'est la mécréance majeure. Et si jamais le cas était tel, il nous serait impératif d'orienter ce hadith à ceux qui ont délaissé la prière par reniement, par juhud, en ayant renié son obligation et non par paresse. Pourquoi? Il y en a premièrement par cohérence des textes. Parce qu'il y a des textes qui nous prouvent, comme on a vu avec Hadith al-Shafa'a, que celui qui la délaisse, c'est pas un kafir. Donc, obligé qu'il y ait une cohérence entre les textes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, le kana min 'indi ghayrillah la wajadu fi ikhtilafan katira. Et comme le din, el kitab wa sunnah, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Donc, si on voit des textes dans lesquels on aurait dit qu'il y a une contradiction, on doit chercher la cohérence entre ces textes-là. Kadhalika, le terme, il y en a délaissé, faman tarakaha, il y en a celui qui la délaisse, tamam. Le terme délaissé dans l'islam peut être utilisé, il y en a pour al-juhud, pour un délaissement accompagné d'un reniement, ou bien pour le fait, il y en a le simple fait d'abandonner une chose. La preuve en est par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qala inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah, وهم بالآخرة هم كافرون. يعني الله سبحانه وتعالى nous compte les récits de Yusuf alayhi salam, où il est dit, يعني dans ce verset, يعني Yusuf dit, j'ai délaissé la religion d'un peuple qui ne croyait pas en Allah سبحانه وتعالى et ni à la vie de l'au-delà, et ni à la vie de l'au-delà. Est-ce que Yusuf alayhi salam, يعني a délaissé et abandonné ce peuple sans les avoir reniés, sans les avoir rejetés, sans les avoir méprisés, où il les a abandonnés en les reniant, en les répugnant? Il y en a la chaque qu'il les a délaissés, il les a détestés, il les a répugnés, il les a reniés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, inni taraktu. Ici il a dit, inni taraktu. C'est pas le simple fait d'avoir délaissé. Il les a délaissés, il les a reniés, et il les a kadhalika rejetés, et kadhalika il a l'hostilité pour eux. Donc ceci nous prouve que le terme, il y en a taraka fil islam, il peut être employé à un sens large. pour un simple abandon, ou bien un abandon qui est accompagné d'un reniement, d'un rejet, d'une hostilité. إلى آخره كما يعني ذكر العلماء يعني في هذه الآية إن تركتم ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون دونك إلى دمام pour ce hadith là العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها on peut dire que يعني من تركها هنا يعني c'est celui qui l'a délaissé avec reniement, c'est celui qui l'a délaissé avec reniement, car le terme taraka il peut être utilisé pour cela et pour cela. تمام donc ceci nous prouve que ce hadith là il peut être interprété d'une autre manière, et en aucun cas, il nous prouve clairement que c'est une mécréance majeure. Et quant au athar qui a été rapporté par l'imam muslim selon Abdallah ibn Shaqiq, dans lequel il nous fait part que la majorité des sahaba, ils voyaient que celui qui est délaissé, ils voyaient qu'il n'y avait pas un acte yani, qui soit de mécréance yani, plus grande que la salah. Yani ce affaire-là, il ne prouve en aucun cas que les Sahaba, ils étaient tous unanimes sur le fait que celui qui délaisse la prière, c'était les kuffars. Pourquoi? Parce que premièrement, ce Tabi'i, Abdullah ibn Shaqiq, il n'a pas rencontré la plupart des Sahaba. Il n'a pas rencontré la plupart des Sahaba, mais une partie infime des Sahaba. Donc comment il peut dire que les Sahaba, ils sont tous unanimes sur le fait que celui qui délaisse la prière par paresse ou par négligence, c'est un kafir, alors qu'il a rencontré qu'une partie infime des sahaba. Donc ça, c'est pas possible. Parce que l'ijma, lorsque tu rapportes un ijma, il faut que toi, tu sois sûr que les personnes auxquelles tu rapportes l'ijma, ils sont tous unanimes, ils sont sur ce point-là. Et lui, il a rencontré qu'une infime partie de sahaba. Donc c'est impossible que ce athar, on puisse dire de cet athar-là que les sahaba, ils étaient tous unanimes sur le fait que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Et de deux, yani, si jamais vraiment ce ijma'a-là il aurait été établi, yani, commencer l'ijma'a, à partir du moment que les ulama ils ont été unanimes sur une chose, il n'incombe à aucune personne qui vienne après eux de diverger. Et malgré ça, il y a une divergence. Le madhhab maliki, le madhhab shafi'i, le madhhab kadhalik hanafi, tous ils voient que celui qui l'a délaissé par paresse, yani, c'est pas un kafir. Donc si vraiment ce affaire-là il nous prouve que les sahaba ils auraient été tous unanimes, en aucun droit, ces personnes-là, ces imams-là, qui sont d'une très grande taqwa, ils auraient eu l'audace de diverger avec l'unanimité des as-sahaba. Ceci nous prouve que celui qui délaisse la prière par paresse, ce n'est pas un kafir, comme on a pu voir avec le hadith al-Shafa'a. Donc s'il avait vraiment sorti des kuffar, il ne serait pas sorti de l'enfer. Au cas d'aller qu'un hadith, khams salawat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part que celui qui fait sortir la prière de ses heures, il est possible qu'Allah le pardonne et il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie. Si vraiment cette personne-là qui délaisse la prière ou la fait sortir de ses heures aurait été des kuffars, en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait la grâce à ces personnes-là de les pardonner. Donc avec le hadith al-bitaqa, celui qui n'avait avec lui que la carte de la ilaha illallah dans sa balance. Il n'avait aucune œuvre autre que celle-là. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis. Donc cela nous prouve que celui qui délaisse la prière par paresse, Allahu a'lam, pas un kafir. C'est un musulman, aasi, il a délaissé un grand pilier de l'islam, mais en aucun cas, c'est un kafir. Ou al-mas'ala fiha khilaf, on n'impose à personne de prendre cet avis-là. Kadhalika, avant de terminer, certains des savants, ils ont interprété le hadith al-Shafa'a pour dire que ceux qui sont sortis avec un atome de foi dans le cœur et qui ne faisaient pas partie des gens de la salat, tamam, ils ont dit que ces personnes-là, ce sont ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer. Et ça, Kadhalika, ça tient pas, c'est pas cohérent. Ceci n'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que si jamais ces personnes-là qui sont rentrées en enfer et qui n'ont pas eu la possibilité d'œuvrer, tamam, comme ils l'ont évoqué, comment ça, cela est possible qu'ils rentrent en enfer? Ça nous prouve qu'ils ont eu la possibilité d'œuvrer. Parce qu'ils sont rentrés en enfer. Ça veut dire qu'ils ont fait des mauvaises œuvres, qui ont fait de eux qu'ils sont rentrés en enfer. Donc ils ont eu le temps de faire de mauvaises œuvres. S'ils ont eu le temps de faire de mauvaises œuvres, comment ils n'ont pas eu le temps de faire de bonnes œuvres? Donc ça, c'est pas cohérent. Ça, c'est pas possible. Parce qu'ils sont rentrés en enfer, donc cela nous prouve qu'ils ont eu le temps de faire de mauvaises œuvres. Donc s'ils ont eu le temps de faire de mauvaises œuvres, ils avaient le temps, Kadhalika, de faire de bonnes œuvres. Et pour conclure, on conseille les personnes à tout le level, il y a de faire attention à ce sujet-là, qui est le délaissement de la prière, car même si jamais la personne qui pense ou qui a la conviction que délaisser la prière, ceux qui délaissent la prière par négligence, ce n'est pas un kafir, en aucun cas, ça veut dire qu'il lui permet de délaisser la prière. Mais ceux qui la délaissent, il a certes coupé le lien entre lui et Allah, azawajal, car la prière est le lien entre lui et Allah. Azawajal. Donc celui qui la délaisse, il a certes coupé le lien entre lui et Allah. Donc il est plus propre à lui et plus en droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers les shayatin. وكما قال سبحانه وتعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا et celui dont les shayatin devient leur compagnon, il a certes pris de mauvais compagnons. Donc il incombe à chacun d'entre nous de faire attention à ce grand pilier qu'est l'islam en observant les horaires de salat et en priant de manière convenable, en étudiant la description pour ne pas s'exposer au malheur et pour ne pas s'exposer aux choses qui pourront nuire à notre religion. Les personnes que vous connaissez qui ont une négligence dans la prière, on vous conseille de ne pas détailler ce sujet-là auprès de ces personnes-là. Parce que le simple fait qu'ils entendent maintenant que les personnes, les ulama, ils ont divergé sur ce sujet-là, et ils entendent que certains des ulama, ils ont pris comme avis que celui qui la délaisse par paresse, par négligence, c'est pas un kafir, peut-être qu'ils vont, ça va leur rajouter de la négligence sur de la négligence. Ils vont se dire, en gros, celui qui délaisse la prière, c'est pas un kafir. Donc en gros, certes, inshallah, peut-être qu'Allah va me pardonner, ça va peut-être leur rajouter de la négligence. Nous, inshallah, on doit être yani de du'at ila Allah azawajal, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabila rabbika bil hikma, avec sagesse, poser les choses dans le contexte qu'ils doivent être posées. Si cette personne-là, on voit qu'il a de la négligence, on ne détaille pas la mas'ala. On évoque les hadiths où Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué que celui qui la délaisse, taqad kafar. Même si jamais toi tu vois que celui qui la délaisse la prière par négligence, ce n'est pas un kafir, le fait que toi tu dises, قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, t'as pas menti. Tu viens de lui montrer un hadith qui montre que celui qui la délaisse, il va s'exposer à la mécréance. Donc ça veut dire que celui qui néglige, il va entendre ça, il va avoir peur. Il va se dire, ah, si je la délaisse, d'apparence, je suis un kafir. Et peut-être que ça va lui donner du courage pour qu'il revienne et qu'il se repente à Allah Azza wa Jalla et qui observe les prières et n'est dans leurs heures. Donc ça, c'est un point qui est très important. À nous, du'at ila Allah Azza wa Jalla wa tullab al-ilm, de faire attention avec les awam, à ne pas détailler cette mas'ala devant les personnes à qui il est connu d'avoir de la négligence, parce que ça va leur rajouter de la négligence. Wa nahnu, inshallah, nourid min al-nas al-islah, l'al-fasad. Inch'Allah, on attafiq bihad al-qadr. Et s'il y a des choses, des éclaircissements, ou si je n'ai pas été assez clair sur des points, faddalo, ou s'il y a des questions relatives au cours, que les personnes qui ont des questions, qui ne se gênent pas, qui les posent, inch'Allah. Quel est le jugement de celui qui délaisse la salat en jama'a? Déjà, aslan, il y a ikhtilaf, par rapport à celui qui délaisse la prière en jama'a, yani dans le masjid. Amma salat al-jama'a wajiba. Mais celui qui la délaisse dans le masjid, yani qui n'a pas à la mosquée pour faire la prière, aslan, il y a un khilaf, par rapport à ça, Mais celui, comme tu as dit, dans les pays de Kufr où il n'y a pas d'adhan, à la kulli hal, comme il l'a dit Cheikh Al-Albani, l'adhan, c'est pas le fait que je suis entendre la voix du muezzin. L'adhan, fil lugha al-arabiyya, l'adhan, c'est l'i'lan. L'i'lan. Le fait que la chose t'informe. Donc le simple fait que tu as un calendrier, ou qu'une autre personne lui a informé que la prière du Fajr sera à telle heure, ou la prière du Dhuhr sera à telle heure, ça lui suffit comme adhan. Même si jamais il n'entend pas, parce que l'adhan fil al-arabiyya a'am min isma' al-sawt. C'est le fait que tu sois informé des horaires de prière. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière au salat al-jama'a et qui voit le salat al-jama'a fil masjid et qui voit que c'est une obligation de faire la prière en jama'a dans le masjid, c'est un rasi. Il a délaissé un accomplissement qui est très grand. C'est un rasi. Ça, c'est la réponse que j'ai pu entendre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fi silsilatin al-huda wal-nur. Qu'il a dit, al-adhan fi lugha al-arabiyya al-i'lam. Donc, ça englobe le fait qu'on t'informe, le fait que tu entends, et ça englobe ces deux choses. Donc, il y en a celui qui voit que c'est un kafir, il n'y prie pas dessus. Et celui qui voit, comme c'est la vie, inch'Allah, de la plupart des ulama, et qui est la vie qui me voit, qui est le plus juste, il n'y a pas de. Les gens, les savants n'ont pas réussi à interpréter ce hadith-là. Donc, il y en a la vie le plus juste, c'est que celui qui avait la conviction, il n'a pas prié, il avait la conviction que la prière, c'était une obligation, tamam, et il a délaissé. Tamam, il fait janaza sur lui. Nasallah yarham. On conclut sur cela, ou y a-t-il d'autres questions? سبحانك وبحمدك لا إله استغفرك واتوب إليك بارك الله فيكم على الحضور والصبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا وفيكم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله